طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 70 dans la lecture du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, un livre écrit par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans le commentaire qui s'intitule التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. On est dans le volume 2 et on est à la page 522. Donc on commence, on est toujours dans la question de la salat et du fait d'alléger la salat, hein, surtout pour les imams, les gens qui dirigent la prière, de ne pas être trop long pour que la prière devienne trop lourde et de ne pas non plus être trop court pour que la prière soit déficiente. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit: وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة, يعني خلف الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقبى فقرأ فيها بسورة البقرة, فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: أفتان أنت يا معاذ, أفتان أنت يا معاذ, إذا أممت الناس فخفف, فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة, هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور؟ فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم, فإنه كما قال أنس كان أخف الناس صلاة في تمام, وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc on va traduire ça, puis on continue la lecture après. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne ici que Mu'adh radiyallahu anhu, le grand sahabi, il priait derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis une fois il a prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam salat al-Isha, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est parti à Quba, dans la mosquée de Bani Amr ibn Auf, hein, et il a prié Aïcha avec eux. Donc il prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il part dans la mosquée de Quba pour prier avec les gens qui sont là-bas, et il prie l'Aïcha avec eux. Sauf que cette fois-là, il a récité Surat al-Baqarah au complet. Hein. Donc imaginez, subhanallah, hein, quelqu'un qui... Vous rentrez dans une mosquée pour prier, l'imam il commence à réciter Al-Baqarah puis il la récite au complet, donc c'est beaucoup. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que Mu'adh a fait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère. Et wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné l'action de cette personne, de ce sahabi. Et il lui a dit: afattanun anta ya Mu'adh, afattanun, c'est-à-dire, est-ce que tu es une personne qui veut faire de la fitna pour les gens? Tu veux éprouver les gens dans leur religion? Tu veux leur rendre la religion difficile? Est-ce que tu es un fatan, ou Mu'adh? Alors le prophète sallam lui a dit: lorsque tu fais imam et que tu diriges les gens dans la salat, alors allège la prière pour eux, rends-la légère, yani facile, pas lourde, hein, pas trop longue. Parce que derrière toi, il y a la personne âgée, il y a le faible, et il y a la personne qui a un besoin, quelque chose à faire. Si tu prolonges trop, tu rends la prière trop lourde pour ces gens-là. Et ils ne peuvent pas supporter ça. Hein? La personne qui est âgée, elle est faible, son corps est faible. La personne qui est malade, ou bien qui a une faiblesse quelconque, hein, derrière toi, ou bien la personne qui a un besoin, elle est pressée, hein, elle a un rendez-vous, elle a quelque chose à faire, hein. Si tu prends trop de temps, hein, eh bien, subhanallah, tu fais attendre tous ces gens-là, ou bien tu leur mets la prière, ça devient trop lourd pour eux, hein, ils sont pas capables de suivre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: pourquoi ne récites-tu pas plutôt des sourates qui sont plus courtes, comme par exemple Sabbih isma rabbika al-a'la, ou bien Wash-shamsi wa duhaha. Ça, c'est des sourates qui sont plus courtes, hein? Donc récite des prières de cette longueur-là. Et donc le cheikh, il dit ensuite donc d'alléger, le prophète sallam lui a ordonné d'alléger, hein, la prière. Il a ordonné à Mu'adh radiyallahu anhu d'alléger la prière, et il a ordonné ça aussi aux autres imams de faire la même chose. Donc on voit que, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hein, à Mu'adh d'alléger la prière, et c'est ce que les grands imams faisaient. Et Anas radiyallahu anhu, comme on l'a lu la semaine passée dans le hadith, il disait: je n'ai jamais vu quelqu'un dont la prière était plus légère et plus complète que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa prière était légère et complète. Et également, il dit: priez comme vous m'avez vu prier. C'est-à-dire, priez comme l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ibn Taymiyyah, il continue, il dit: thumma in arada, ou in arada halun عرف منها إثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطولين الطوليين، وعليكم السلام ورحمة الله، بطول الطوليين، وقرأ فيها بالطور، وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل كما قال في بكاء الصبي ونحوه. فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا، ومن طول القيام تطويلا كثيرا، الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit: si il lui arrivait parfois de prier derrière des gens, et il sait que les gens derrière lui, ils aiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolonge, alors dans ce cas-là, oui, il faisait une prolongation dans la récitation du Coran. Si les gens derrière lui appréciaient ça, ou bien ils étaient, ils trouvaient ça bien, c'est-à-dire que c'était pas dérangeant pour eux, c'était pas trop lourd pour eux, donc ils prolongeaient la récitation. Et parfois, c'est pour ça que dans Salat al-Maghrib, Yani, il récitait parmi les plus longues, les sourates qui sont un peu plus longues. Comme il a récité parfois At-Tur parmi les Mufassal. Hein. Et il dit, et si par contre quelque chose arrivait, par exemple, et que ça impliquait qu'il devait raccourcir la salat, eh bien là il la raccourcissait, comme par exemple lorsque une femme avec son bébé, son bébé qui pleure, eh bien quand il entendait le pleur du bébé, il raccourcissait la prière pour pas que ça soit quelque chose qui va causer des problèmes ou qui va déranger la mère à ce moment-là, ou des choses de ce genre. Et donc on peut bien comprendre dans le hadith de Anas qu'on a lu au dernier cours que ça comprend, ou ça veut dire, hein, ça comprend le fait de contredire ceux parmi les imams qui avaient allégé le recours et le sujoud de façon exagérée, qui avaient fait des sujoud ou des recours ou des sujoud trop courts, mais qui ont fait des longues récitations dans le qiyam. Donc Anas, il voulait dire en fait raccourcissez la récitation et prolongez le recours et prolongez le sujoud. Hein? Donc c'est dans ce sens là et il dit que c'est ça que Anas a décrit, et c'est ça ce que beaucoup d'autres parmi les sahaba ont décrit dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, comme on a dit au dernier cours, parfois il faisait le recours et il se relevait du recours, et les gens se demandaient est-ce qu'il a oublié de se prosterner tellement il restait debout longtemps. Et dans le sujoud, quand il se prosternait la première fois, il s'assoyait et il restait assis tellement longtemps entre les deux sujouds que les gens se demandaient parfois est-ce qu'il a oublié la deuxième prosternation. Donc c'est pour dire qu'il prolongeait la salat. Et il prolongeait, disons, ces portions-là de la salat, le recours et le sujoud, et sa prière était de proportion égale dans chaque mouvement à peu près. D'accord? Et la récitation était modérée. Il ne récitait pas des sourates trop longues, hein? Et non plus il priait les autres portions de la salat de façon égale par la suite aussi. Cheikh Al-Fawzan, il fait le commentaire sur ce point et il détaille les explications là-dessus. Donc il dit قوله وكان عمر رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة ثم ذهب إلى بني عمرو ابن عوف فقرأ بسورة البقرة. معاذ كان حريصا على أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يذهب ويصلي بقومه حيث كان إماما لقومه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واستدل به العلماء على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، لأن الصلاة الثانية بالنسبة لمعاذ رضي الله عنه نافلة، والفريضة هي التي أداها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ إطالته بهم إطالة شاقة، حيث قرأ بهم بسورة البقرة، ومعلوم أن سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن الكريم، فشق ذلك عليهم، وفارقه رجل وأكمل الصلاة لنفسه وسلم وذهب لحاجته، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ؟ والفتنة هي إثارة الجدال بين الناس أو إثارة التنفير للناس. Donc le cheikh il dit ici que dans les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne qu'est-ce qui est arrivé avec Mu'adh ibn Jabal. Il dit que Mu'adh il avait il faisait beaucoup d'efforts pour prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam la dernière salat, c'est-à-dire al-Isha. Et il priait donc avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que ça c'était quelque chose d'important pour lui. de faire la salat derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était imam de son peuple ou de sa tribu. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il priait l'Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat al-Isha, puis une fois qu'il a fini, il allait prier imam, il allait faire l'imam pour sa tribu ou pour les gens de sa famille dans la mosquée de Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé qu'est-ce qu'il faisait. Il a dit, oui, ça c'est correct. Tu viens prier avec moi, puis après tu fais imam dans ta mosquée, il n'y a pas de problème. Dans la mosquée de Quba, il n'y a pas de problème. Et les ulama se sont basés sur ça pour prouver qu'il est permis à la personne qui fait une prière obligatoire de prier derrière la personne qui fait une prière surérogatoire. D'accord ? Ça, c'est une preuve. Parmi les preuves des ulama, pour dire que celui qui prie la prière obligatoire, il a le droit de prier derrière celui qui prie une prière surérogatoire, une prière qui n'est pas obligatoire, qui est volontaire, hein, ou supplémentaire. C'est-à-dire que Mu'ad, il priait le fard, la prière obligatoire, il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il retournait, il allait dans la mosquée de Quba, où il était imam. Lui, il priait imam pour les gens. Et les gens priaient derrière lui. Sauf que lui, il ne peut pas prier Aïcha deux fois. Parce que si tu pries deux fois l'Aïcha, ce n'est pas accepté. Tu peux prier seulement une fois une prière obligatoire. Donc, pour lui, il faisait sa prière comme une prière surérogatoire, une nafila. Mais les gens qui priaient derrière lui, pour eux, c'était le fard, c'était la prière d'Aïcha obligatoire. D'accord ? Donc, les ulama ont tiré de ça qu'il est permis à la personne de prier sa prière obligatoire derrière un imam ou derrière quelqu'un qui prie une prière surérogatoire. Non, c'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est général. C'est-à-dire qu'on va dire que toi, par exemple, tu as prié à Masjid Farouk. Hein? T'as fait imam là-bas. Après, tu viens ici à la mosquée Zunnourain. Et les gens, ils n'ont pas encore prié. Et les gens te disent, bon, l'imam n'est pas là, est-ce que tu veux faire imam ici aussi? Tu dis, ouais, moi, j'ai déjà prié à Farouk. On dit, c'est pas grave, tu vas faire Nafila, puis nous, on va prier derrière toi. Donc, pour toi, c'est Nafila, mais pour les gens, ça va être le Fard. C'est ça que ça veut dire. Donc, les ulama ont dit, ça, c'est une preuve que c'est permis de le faire, dans le hadith en question. D'accord ? Après, le cheikh, il dit, pourquoi ? Parce que la deuxième prière que Mu'ad faisait, c'était pas l'Aïcha, c'était une prière surérogatoire, parce que la prière obligatoire, il l'avait déjà fait avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il avait uniquement critiqué Mu'ad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait uniquement condamné ce que Mu'ad avait fait en prolongeant la prière d'une manière qui devient trop lourde pour les gens. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a critiqué, et non pas le fait qu'il allait prier l'Aïcha comme imam derrière les gens de sa mosquée. Bon, il a récité Al-Baqarah, et le cheikh il dit, surat Al-Baqarah, c'est la surah la plus longue dans le Coran. Hein? C'est la surah la plus longue dans le Coran, donc c'est lourd pour les gens. Et qu'est-ce qui est arrivé en fait cette fois-là? C'est que pendant que Mu'adh commence à réciter le Baqarah, eh bien, il y a quelqu'un qui était avec lui, qui priait derrière lui, et il constate que Mu'adh commence à réciter le Baqarah, mais il ne s'arrête plus. Et lui, il était pressé, il avait quelque chose à faire. Il ne pouvait pas rester jusqu'à ce qu'on complète la récitation de Al-Baqarah au complet. Al-Baqarah au complet, c'est un peu, minimum une heure, si tu la récites rapidement. Hein? Mais sinon, tu dois y aller compter au moins deux heures, parfois même, pour la réciter au complet. Donc, Yanni s'était devenu lourd pour cet homme. Et lui, il devait partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti des rangs et il a fait sa prière tout seul, puis il est parti. Et il a expliqué, et cet homme a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fait, je crois que soit c'est l'homme lui-même qui est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'est-ce que Mu'adh avait fait, ou que c'est Mu'adh qui est allé pour se plaindre de cet homme d'être sorti de la salat pour mais je crois que c'est plutôt c'est l'homme qui a expliqué, si je me souviens bien, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh il a récité le Baqara, c'est trop long, hein? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère, son visage il est même devenu rouge, et il a dit à Mu'adh, est-ce que tu es un fatan, est-ce que tu veux rendre yani, la chose trop lourde pour les gens? Parce que le cheikh il explique que la fitna, c'est qu'est-ce qui ramène ou qu'est-ce qui cause les gens de rentrer dans des disputes ou dans des djidal, hein, des argumentations, ou bien dans yani, le fait de faire fuir les gens. Parce que qu'est-ce qui va arriver s'il récite Al-Baqara? Les gens vont dire à cet imam, il récite la prière, il récite trop long. Donc, je ne vais plus prier à la mosquée, hein, ou bien à cette mosquée-là, je ne vais plus aller prier, je vais aller ailleurs, ou bien je vais prier chez moi, parce que c'est trop long. Hein, je n'ai pas le temps. Donc, ça devient une fitna pour les gens. C'est pour ça que hein, la fitna... Fitna peut avoir plusieurs sens, mais fitna c'est utilisé dans le sens de ça devient une source de problème, hein? Disons une source de problème. Mais sinon ça peut être la tribulation, l'épreuve, hein? L'examen, la tentation. C'est le terme fitna, c'est un terme qui est assez large. Oui, source de trouble, problème, trouble. Hein? Il faut se dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon, hein? Quelque chose qui n'est pas intéressant, pas positif. Donc la fitna c'est ça, comme par exemple les révoltes ou les manifestations, les ulama, ils appellent, les salafs ils appelaient ça la fitna, les coups d'état, les coups d'état, les rébellions contre les dirigeants, ils appelaient ça la fitna aussi, hein? Il est même le shirk qu'on appelle fitna. Oui, même vos enfants sont une fitna pour vous. Vos enfants, ils vont bien. Nama amwal ou kumu aulad ou kum fitna. Donc c'est une épreuve, une tentation. C'est un test. Naam. Ensuite, le shirk il dit wal matloubu min al-ilm, min al-alim. Wal matloubu min al-alim. وطالب العلم والداعية إلى الله أن يؤلف بين الناس ولا ينفرهم وأن يرغبهم في الخير ولا يعمل باجتهاده هو ولا يعمل باجتهاده هو ورغبة نفسه وإن كان الأمر خيرا فإن معاذا رضي الله عنه لم يقصد إلا خيرا وذلك لفقهه ومبلغ علمه رضي الله عنه ولكن الإمام لا يعمل باجتهاده الخاص لأن ذلك ربما يشق على المأمومين لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وهذا في الحقيقة إنكار على كثير من الأئمة اليوم ولا سيما الشباب الذين يتولون الإمام في المساجد ثم يشوشون على الناس باجتهاداتهم غير مراعين أحوال المأمومين وما عليه العمل في البلاد مما سبب مشاكل. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui est exigé de la part du savant, de la part du talib ilm, l'étudiant en sciences islamiques, de la part du da'ya ila Allah, celui qui invite les hommes à Allah, c'est de rassembler les hommes et de ne pas les faire fuir et de les faire aimer le bien et de ne pas agir selon son propre jugement à lui ou selon ce qu'il aime lui-même, hein? Même si l'affaire en question c'est du bien, hein? Même si c'est quelque chose de bien, parce que Mu'adh il n'a pas eu l'intention de faire du mal, il n'a pas pensé à faire du mal, il voulait que le bien. Mu'adh ibn Jabal, il voulait que le bien quand il a récité le Baqara, parce que c'est quelqu'un qui a du fiqh et qui a un niveau de science radiyallahu anhu. Mais l'imam ne devrait pas agir selon son propre jugement. Parce que peut-être qu'il va agir d'une manière qui va être trop lourde pour les gens qui prient derrière lui. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné l'exemple et l'action de Mu'adh. Hein, parce que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné de Mu'adh? C'est en même temps une condamnation de ce que beaucoup d'entre les imams font aujourd'hui. Le cheikh, il dit, tu trouves par exemple certains imams aujourd'hui, en particulier des jeunes, qui prennent la charge d'être imam dans les mosquées, puis ils dérangent les gens, hein, et ils causent du trouble aux gens en faisant leur propre jugement, en utilisant leur propre jugement dans certaines questions, sans tenir compte de l'état des gens qui sont derrière eux, et sans tenir compte non plus de l'habitude qui est dans les mosquées, comment les gens comment les gens ont l'habitude de faire dans le pays où ils sont. Et ça cause beaucoup de problèmes. Le cheikh, il dit, وفي الحديث أنه مع شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يمنعه من أن ينكر عليه لما في الإطالة من الفتنة على المأمومين ثم أرشده أن يقرأ من أوسط المفصل من أوسط المفصل والليل إذا يغشى والضحى والشمس وضحاها أما الفجر فيقرأ فيه من طوال المفصل كما سبق بيانه وهو ما بين سورة قاف إلى سورة النبأ وفي المغرب من قصار المفصل وهو من الضحى إلى آخر الناس وفي بقية الصلوات الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساط المفصل وهو ما بين النبأ إلى الضحى. Donc le cheikh, il explique que avec le grand, même malgré le grand amour que le prophète sallam a pour Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, parce que c'est un noble parmi les nobles, parmi les sahaba, un grand parmi les grands, parmi les sahaba, un des plus respectables parmi les sahaba et des plus savants, radiyallahu anhu wa anhum ajma'in, il dit, mais malgré ça, ça n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de condamner l'action de Mu'adh quand il prolongeait la salat et de le critiquer en disant qu'il causait de la fitna pour les gens qui prient derrière lui. Et ça, c'est une réponse même à ceux qui disent qu'il ne faut pas critiquer quelqu'un, il ne faut pas condamner quelqu'un par son nom, hein, ou il ne faut pas mentionner le mal de quelqu'un ou des choses de ce genre, même si comme par exemple, surtout si c'est quelqu'un qui est un savant ou quelqu'un qui a du ilm ou qui a du mérite, qu'il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas le condamner, il ne faut pas mentionner son nom ou des choses comme ça. Non, s'il fait une erreur, on doit la corriger, on doit la réfuter, hein? Et ça fait partie des arguments que les ulama ont ramené pour prouver que si quelqu'un fait une erreur, il faut le clarifier cette erreur. Hein? Non, la mise en garde et la critique des gens qui font des erreurs. Donc ici, Mu'adh radiallahu anhu, c'est un noble parmi les sahaba, mais quand il a fait quelque chose qui peut être une cause de fitna pour la religion, c'est ça que le prophète s'en a dit, afatanun anta, est-ce que tu veux faire la fitna avec les gens? Donc c'est pour ça. Des fois, il y a des frères qui font la fitna aussi comme ça. Hein? Ils veulent faire du bien, mais ils agissent pas avec sagesse ou ils font pas des choses correctement. Ils veulent condamner un mal, mais ils agissent d'une façon qui va causer plus de mal. Alors quand tu les corriges, hein, tu les critiques. Hein? Il y en a un frère l'autre fois, il y en a, c'est arrivé. Il voit un des frères qui vient prier ici. Faisait le tasbih avec un compteur électrique. Hein? C'est comme un genre de compteur électrique qui compte les tasbih. Alors, Abdullah, un des frères, il voit le... Il voit le frère en question qui faisait ça, et puis il lui dit, ça c'est une bid'a, qu'est-ce que tu fais là? Le frère en question, c'est pas un frère qui... le frère qui faisait le tasbih avec le compteur là. C'est pas quelqu'un qui a encore vraiment bien compris comme il faut tous les détails de la sunna, puis de la salafia, et qu'est-ce que ça signifie de suivre la sunna. Donc, il vient, Jumu'ah, il écoute les khutab. Donc il faut y aller doucement avec des gens comme ça, qui viennent, ils veulent apprendre, et ils aiment apprendre. Donc il faut y aller doucement avec des gens comme ça pour leur expliquer comme il faut la sunna. Hein? Mais pas leur... Tu vas sur eux comme ça pour les... Hein, tu les bouscules là. Le frère en question est venu me voir pour se plaindre de l'autre frère qui lui a dit ça. Il me dit, il était vraiment en colère. Mais je n'ai jamais vu le frère en colère, donc j'étais surpris. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, lui là, il est venu me voir, il me dit des choses là qu'il n'était pas content. Hein? Subhanallah. Alors j'ai dit, Abdullah, qu'est-ce qui se passe? Le frère il dit, oh mais lui il fait des bid'ahs dans la mosquée, moi il faut que je condamne les bid'ahs. Il faut que je, quand je vois des bid'ahs, il faut condamner ça. J'ai dit, mon frère, c'est pas comme ça. Hein? Et là il me dit, mais pourquoi tu me critiques moi, tu critiques pas lui? C'est lui qui fait la bid'ah. J'ai dit, akhi, subhanallah. C'est pas comme ça que tu fais. La façon dont tu agis là, tu mets les gens en colère de cette façon là, c'est pas correct. J'ai dit, lâche l'affaire. Il dit, non, je vais jamais lâcher l'affaire. J'ai dit, lâche l'affaire, subhanallah. Et là, il s'entêtait, tu vois. Bon, après, je lui ai parlé en privé, mais c'est pour dire que des fois, il y a des gens comme ça, ils n'ont pas de fiqh, ils n'ont pas de hikma, ils n'ont pas de sagesse, ils ne savent pas comment parler aux gens. Subhanallah. Non. Ouais. Exactement. Donc il y a beaucoup de, comme tu dis, il y a beaucoup de points bénéfiques dans ce hadith là, et de choses qu'on peut en tirer comme leçon, comme sagesse, comme exemple. Comme tu dis, l'exemple que le prophète Sassam lui a demandé, les explications et ainsi de suite. Mais c'est pour dire que des fois, on veut le bien. On ne pense pas à faire le mal. Mais on fait du mal sans s'en apercevoir. On pense qu'on défend la sunna, puis en réalité, on éloigne les gens de la sunna. Donc, il faut pas agir n'importe comment, tu vois. Et puis, il faut vraiment faire preuve de sagesse, puis savoir comment parler aux gens aussi. Donc ça c'est très important. Et même si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui est bid'a, il y a une façon de lui parler pour lui expliquer. Hein? C'est pas tu vas pas l'agresser ou lui sauter dessus ou lui parler de façon agressive. Puis tu lui dis qu'est-ce que tu fais, ça c'est pas correct. Hein? Il faut lui expliquer comme il faut pour que la personne elle comprenne, parce que peut-être qu'elle sait même pas que qu'est-ce qu'elle fait c'est une bid'a. Peut-être que le mot bid'a elle l'a jamais entendu ou elle l'a entendu mais elle l'a jamais compris. Hein? Donc il faut expliquer les choses, hein? Et des fois même quand tu parles avec des gens, il faut leur parler comme quand on parle, comme on explique à des enfants, la même manière, parce que les gens c'est comme ça. Il faut les prendre avec douceur, avec, hein? Et tu les prends étape par étape. Exactement. Puis quand tu les prends comme ça, après les gens ils comprennent, hein? Ils comprennent qu'est-ce que tu veux faire. Ils comprennent que ton but c'est pas de les écraser, de les rabaisser, de les éloigner. Non, ton but c'est de les élever, au contraire, les élever. Le hadith. Non, c'est ça, comme tu dis exactement. Le hadith pour le tasbih, que le professeur Sam il le faisait avec ses doigts, Et l'exemple de ceux qui comptaient les tasbihs avec les pierres ou des choses comme ça, et que les sahaba ont condamné ça. Beaucoup d'exemples. Mais il faut y aller doucement. Il faut expliquer comme il faut. Et puis il faut être patient. Peut-être que ça prend du temps, que la personne ne va pas accepter tout de suite, mais il faut y aller doucement, inshallah. Bon. On continue. Le cheikh, il dit, وفي الحديث أنه مع شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم. On a expliqué ça. Bon. Donc il lui a dit de pas de, que qu'est-ce qu'il faisait, ça créait des problèmes pour les gens. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le prophète صلى الله عليه وسلم? Par la suite, il lui a indiqué qu'est-ce qu'il devrait réciter dans la salat. Au lieu de réciter Al-Baqara, il devrait réciter parmi les Awsat, hein, Awasat Al-Mufassal. Al-Mufassal, on a expliqué au dernier cours, hein, c'est les sourates qui commencent à partir de Qaf jusqu'à la fin du Coran. Et c'est ce qu'on appelle Al-Mufassal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de séparation entre chaque verset. C'est-à-dire que c'est des versets courts. Hein? Et les ulama, ils ont divisé Al-Mufassal en trois parties. Les longues, Mufassal, les moyennes, Mufassal, et les courtes, Mufassal. Et ils ont expliqué, comme le cheikh il a expliqué, que de Qaf à Naba, c'est les longues. Et ensuite, de Naba jusqu'à Doha, c'est les moyennes. Puis de Doha à Nas, c'est les courtes. De Qaf à Naba, c'est les longues. Donc il lui a dit de réciter parmi les moyennes. Les moyennes de Al-Mufassal, c'est-à-dire Wal-Layli Idha Yaqsha, Wal-Duha, Wal-Shamsi, Wal-Duhaha, et ainsi de suite. En ce qui concerne le Fajr, il dit pour les Fajr, tu peux lire parmi les langues, Mufassal, comme Surat Qaf, et ainsi de suite. Et c'est entre Qaf et Al-Naba. Tu récites ces sourates. Parce que dans ces soirs, il y en a, c'est plus long pour le Fajr, il y a plus de temps. Ça, c'est correct. Mais les autres prières, comme il dit le Maghreb, tu lis parmi les courtes de Al-Mufassal. C'est-à-dire de Al-Duha et Al-Nas. Des versets de Al-Nas et entre Al-Duha et Al-Nas. Et le reste des prières, tu lis, comme par exemple Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Isha. Tu lis parmi les moyennes de Al-Mufassal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui entre Al-Naba et Al-Duha. D'accord? Donc ça, c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a enseigné aux sahaba? Quelles prières réciter pendant les prières, comme lorsque l'imam il dirige la prière? Et c'est comme le cheikh, il a expliqué même au dernier cours, on avait mentionné la parole de Cheikh Al-Fawzan. Il dit, il y a des gens, ils ne veulent jamais lire les Mufassal. Ils veulent toujours lire dans les longues sourates. Hein? Il dit, et ça c'est contraire, il a dit, ça c'est contraire à la sunna. Il dit, ça ne veut pas dire que c'est interdit de lire les Mufassal, les autres que les Mufassal. Oui, tu as le droit. Mais tu devrais prendre l'habitude de réciter pour les Mufassal en particulier. Et qu'est-ce qui est bien dans le fait de réciter dans les Al-Mufassal, c'est que tu récites des choses que les gens connaissent, hein? Et ou bien que des choses que les gens, s'ils les connaissent pas, ils devraient les connaître à la base, ils devraient les apprendre, parce que tout musulman à la base devrait au moins mémoriser Juz Amma, hein? Parce que Juz Amma c'est celui qu'on utilise le plus, qu'on récite le plus dans la prière. Donc chaque musulman au moins doit faire l'effort de mémoriser Juz Amma, hein? Et donc tu récites plus souvent de Juz Amma pour que les gens puissent se rappeler, puis en même temps les apprendre aussi, d'accord? Puis après il y a Juz Tabarak, les autres ajza qui sont dans les Mufassal, dans les dernières sourates. Mais ça, c'est les plus importantes. Pourquoi? Parce que c'est les sourates que tu récites dans la prière. C'est ça qui est bien avec ça. Après, le cheikh, il dit, وفي هذا الحديث إنكار على كثير من الأئمة اليوم وخصوصا الشباب منهم هداهم الله الذين هجروا المفصل فلا يقرؤون منه في صلواتهم وإنما يقرؤون من أول القرآن مقطعا تاركين للسنة وتاركين للرفق بالمأمومين حيث أن القراءة من المفصل أرفق بالناس ولما في صور المفصل من الجزالة والقوة وغرس عقيدة التوحيد وغير ذلك من الأسرار يعني التي في صور المفصل وقد يظن أو قد يظن بمن يهجر المفصل من الأئمة بأنه يريد الظهور لا سيما إذا قرأ من الصور الطوال وترك غيرها ونحن إن شاء الله نظن بهم الخير ولكن هم ليسوا أحسن من معاذ وليسوا أحرص على الخير من معاذ وليسوا أكثر علما من معاذ وليسوا أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من معاذ ومع هذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرأ من أواسط المفصل. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure. Le cheikh il dit, tu vois que ce hadith condamne également beaucoup d'entre les imams aujourd'hui, et en particulier les jeunes, que Allah les guide, qui ont délaissé les mufassal, qui ont délaissé les sourates al-mufassal, et qui ne les récitent jamais dans les salawat, mais qui récitent uniquement du début du Coran des morceaux ou des parties, en laissant la sunna. Et en laissant la douceur et le fait d'être doux envers les gens qu'on dirige dans la prière. Puisque il dit que de réciter des sourates qui sont parmi les mufassal, c'est plus doux pour les gens, c'est plus délicat pour les gens. Et en même temps, il y a dans ces sourates de la force et des choses qui imprègnent les gens de la aqidah du tawhid, parce que c'est des sourates qui parlent beaucoup de la foi, de la aqidah du tawhid, de l'iman, de l'iman bil yawm al akhir et beaucoup de choses de ce genre. Donc il y a beaucoup de choses qui encouragent et qui renforcent la aqidah des gens. Et il y a beaucoup d'autres également parmi les secrets de ces sourates al-mufassal. Et il dit que certaines personnes pensent parfois que ceux qui délaissent les mufassal parmi les imams veulent se montrer. Ils font ça pour se montrer, pour montrer comment ils mémorisent beaucoup, comment ils mémorisent beaucoup de sourates et tout. Donc ils veulent se montrer. Et en particulier, s'ils récitent des sourates qui sont très longues ou bien qui sont des sourates du début du Coran qui sont plus difficiles, et qui laisse le reste. Donc le cheikh il dit, mais nous inshallah on pense du bien d'eux, mais ils sont pas meilleurs que Mu'adh, ils ont pas plus de désir de faire le bien que Mu'adh, et ils ont pas plus de sens de science que Mu'adh, et ils n'aiment pas et ils ne sont pas plus aimés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que Mu'adh était aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, le prophète Sassam a condamné Mu'adh, et qu'est-ce qu'il a fait? Et lui a ordonné de réciter des sourates qui font partie des moyennes mufassal. Donc, ça devrait être notre exemple à nous aussi. Il dit, wa qawluhu, sallallahu alayhi wa sallam, kana akhafu nasi salatan fi tamam. Hadha al-kalam min Anas قد يوجد إشكالا عند البعض فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التخفيف كما سبق في حين أنه كان هو صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة وأنه كان يقرأ بالستين إلى المئة في الفجر في الركعة الأولى أو في الركعتين كما سيأتي فكيف نجمع من فعل بين فعله وقوله صلى الله عليه وسلم وهذا الإشكال يجاب عنه من الأول وهو المشهور أنه إذا كان المأمومون يؤثرون التطويل فإنه يطول بهم، وهذا هو الذي يحمل عليه فعله أو يحمل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يحبون الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرون استماع القرآن منه ويرغبون في التطويل، وأما إذا كان يشق عليهم ولا يرغبونه فإنه يخفف كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره، لأنه عمم وقال أيكم أما الناس فليخفف. والثاني ما ذكره الشيخ وذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن التخفيف الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، لأن صلاته كانت معتدلة بين التطويل الشاق وبين التخفيف المخل. Donc le cheikh il dit quand on lit la parole de Mu'az, de Anas, pardon, la parole de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, lorsqu'il dit que la parole, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était, il dit que c'était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui avait la prière la plus légère, en étant la plus complète en même temps, la plus parfaite. Et il dit que cette parole, elle a causé certains problèmes à certaines personnes dans la compréhension du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les gens à alléger la prière, mais qu'en même temps, lui-même, il, parfois il la prolongeait. Et qu'il récitait parfois de 60 à 100 versets dans la prière de Fajr, dans la première raka'a, ou bien dans les deux raka'a, comme on va le mentionner plus tard. Donc comment on peut réunir entre l'acte, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et sa parole? Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque dans sa parole, il a dit de ne pas trop prolonger, et dans ses actions, lui-même, parfois, il prolongeait. Donc, comment on peut répondre à ce problème? Et le cheikh, il dit, premièrement, qu'est-ce qui est le plus connu des paroles des ulama à ce sujet-là? C'est que si les gens derrière qui tu pries, ou bien les gens qui prient derrière toi plutôt, ils aiment que tu prolonges, dans ce cas-là, tu peux prolonger. Et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Parce que les sahaba aimaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolonge. Hein? Je me rappelle, des fois on priait avec des frères. Et juste avant de commencer la salat, il y a un frère à chaque fois, il disait, récite pas une trop longue. Hein? Yannis subhanallah. J'ai dit, ben, ça me faisait rire parce que. Est-ce qu'on peut dire ça? En principe, on ne devrait pas avoir besoin de le dire parce que, de toute façon, on n'est pas supposé de réciter trop long dans la salate. Mais, peut-être que si c'est un imam qui a l'habitude de prolonger trop souvent et de faire trop longue la prière, on peut lui dire, prolonge pas trop. Ça dépend des fois. Ça dépend des personnes. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est parce que, comme tu vois que les gens, parfois, il y a des gens qui ont une foi très forte et ils aiment que la prière soit plus longue et ils veulent que la prière soit plus longue. Et donc, quand la prière est trop courte, eux, ils aiment pas ça. Ils disent ah, mais pourquoi ils récitent toujours court? Eux, ils veulent que ce soit trop long. Mais c'est pour ça qu'il faut comprendre que l'imam, il a une responsabilité qui est différente de la prière du commun ou des gens ordinaires. Dans le sens qu'il ne peut pas juste penser à lui qu'est-ce qu'il veut. Et il doit tenir compte, pas seulement de ceux qui ont une foi forte, mais il doit aussi tenir compte de ceux qui ont, non seulement, peut-être qu'ils ont une foi forte, mais en même temps aussi, bon, ils ont une foi, il y en a qui ont une foi moins forte que d'autres. Et des fois, ce n'est pas une question de foi forte ou faible, mais c'est une question de faiblesse physique, corporelle, c'est une question d'âge, c'est une question d'être pressé, d'être occupé. Donc il ne faut pas aller trop court, il ne faut pas aller trop long, il faut être modéré. C'est ça que ça veut dire. Donc ceux qui disent, non, je veux juste que tu récites Qul huwa Allahu Ahad dans toutes les prières, ou bien Qul a'udhu bi rabbin nas, ça c'est exagéré. Je ne veux pas exagérer, parce que le prophète, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit tu récites seulement Qul huwa Allahu Ahad. Il a dit tu récites de Awasat al-Mufassal. Puis, pour le Fajr, il récitait des langues parmi les Mufassal. Oui, donc c'est ça qu'il faut. C'est ça la sunna dans le Fajr, de prolonger, dans le Zohr, le Asr et le Isha, les moyennes, et le Maghreb, le courte. Les awam, le commun des musulmans. Parce que si tu fais trop long, les gens ils vont se plaindre, et si tu fais trop court, les gens ils arrivent en retard, ou bien ils n'arrivent pas au début de la salat, ils manquent la salat. Donc, Allah musta'an. Des fois tu penses à ça, des fois je me rappelle quand j'étais imam à. Dans l'autre mosquée, je me disais, des fois, si je récite trop court, et les gens, ils manquent la première raka'a, donc je prolonge un peu plus. Mais en même temps, bon, ça dépend des mosquées. Les gens, ils savent par la suite, ils se disent, ah, mais lui, il prolonge la première raka'a, donc on peut prendre notre temps. Tu vois? Donc ça devient l'habitude. Après, les gens, ils viennent de plus en plus tard. Et il manque la première raka. C'est pour ça il faut rester dans l'exemple de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Si tu lis toujours la même longueur, et même si les gens savent, ah, lui il lit de telle longueur, ils vont pas dire, ah, je vais prendre mon temps. Ils vont venir à l'heure qu'il faut. Non, au lieu de réciter Al-Waqi'a ou Qaf, tu récites Al-Naba. Ou des soirs plus courtes. Ouais, c'est ça. Tu pries plus tôt, comme ça les gens ils ont plus de temps par la suite. Naam. De toute façon, on va parler de le Fajr après, par la suite, Inch'Allah. Donc, la première explication, comme on a dit, c'est que les Sahaba ils aimaient que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam récite une récitation plus longue. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils aimaient entendre le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils aimaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolonge. Mais, si c'est quelque chose qui va être trop dur pour les gens, ou que c'est trop lourd, et que eux, ils aiment pas que tu prolonges, et dans ce cas-là, tu dois raccourcir ou alléger, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à Mu'adh, radiyallahu anhu, et à d'autres, de le faire, et... pourquoi? Parce qu'il a dit, ça de façon générale dans un hadith, il a dit quiconque d'entre vous dirige la prière pour les gens alors qu'il allège, c'est-à-dire qu'il la fasse plus courte, plus légère. Il dit wa-thani, donc la deuxième explication, c'est qu'est-ce que le cheikh a mentionné, cheikh Ibn Taymiyyah et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Zad al-Ma'ad. Il dit que At-Tarfif, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, le fait d'alléger la prière, quand il a ordonné de le faire, c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait. Parce que sa salat, elle était modérée. Entre la prolongation qui est lourde et le fait d'alléger de manière qui rend la prière déficiente ou incomplète. Tu vas la faire tellement courte que tu ne donnes pas à chaque mouvement le droit. Et il y a un frère, je me rappelle, dans le ramadan, il m'a envoyé une vidéo d'un tarawih. Je crois que c'était... Non, c'était pas en Turquie, c'était en Malaisie. Non, pas en Malaisie, non, c'était en Indonésie, je crois. Mais il faisait comme, je pense, 23 rak'at en 7 minutes ou 8 minutes. Et c'était comme la course. Et il donnait aucun des droits de la prière. le droit de la prière et les obligations et les piliers, aucun. Ouais. Même il récitait Al-Fatiha, après Al-Fatiha, il récite une ayah, quelque chose comme ça, puis il saute tout de suite à les recours, sujoud, et ça prenait vraiment une raka, je pense qu'il l'a fait en quelques secondes. Donc c'est franchement, là, c'est exagéré. Allah musta'an. Donc j'ai vu des gens prier vite comme ça des fois, dans certaines mosquées, et puis j'essaie de leur expliquer. Mais des fois c'est dur, les gens ils ont été éduqués comme ça. Ajib. Allah musta'an. En tout cas, après le cheikh il dit wa qawluhu wa in arada ma yaqtadi at-takhfif al-maqsud annahu in arada ma yaqtadi at-tatwil wa huwa raghbatu al-ma'mumin bit-tatwil fa innahu yutawwil wa in arada al-aks wa huwa ma yaqtadi at-takhfif khaffafa. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه والمقصود أنه إذا كان هناك أحوال تقتضي تخفيف الصلاة نظرا لظروف معينة كأن يكون مثلا في سفر أو يكون التطويل يفوت عليهم حاجتهم فالواجب على الإمام أن يخفف بهم لأجل أن ينصرفوا إلى ما يحتاجون إليه من ضبط أعمالهم. Donc le cheikh il explique que ensuite qu'est-ce qu'il veut dire cheikh l'islam, c'est que si jamais il y a quelque chose qui implique que tu dois prolonger, soit parce que les gens derrière toi ils veulent que tu prolonges, alors dans ce cas-là, tu prolonges la récitation, il n'y a pas de problème. Mais s'il arrive quelque chose, le contraire, c'est-à-dire que quelque chose qui implique que tu dois alléger la salat, dans ce cas-là, tu dois l'alléger. Comme par exemple, le bébé qui pleure, qui va déranger sa mère. Donc par miséricorde pour la mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allégeait la prière à ce moment-là, il la raccourcissait, il raccourcissait la récitation. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Le but de tout ça, c'est d'expliquer que les situations peuvent être différentes et parfois, ça peut impliquer d'alléger par rapport à des circonstances particulières et, par exemple, dans le voyage, hein, tu dois alléger encore plus, parfois, tu n'as pas le choix. Hein, des fois, on prie, je me rappelle, on était en voyage, des fois, l'hiver, on faisait la prière dehors, dans la neige. Donc, il fait froid, donc on fait la prière plus courte. Hein, on allège la prière pour pas geler trop, hein, dehors. Ou bien des choses comme ça. Non. Ben, les séries, c'est des trucs de sport, là. C'est des films, on a prédit là. Non, ça c'est déjà haram, donc de prolonger, de raccourcir la prière pour que les gens puissent aller voir leur téléroman. Non, ça c'est, a'udhu billah, c'est grave. Déjà ces téléromans là, les musulmans devraient pas les regarder parce que, en tout cas. C'est clair que c'est des choses que les savants ils ont dit que ça c'est haram, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire il ne tient pas compte de ceux-là, parmi ces gens-là qui veulent regarder ces choses. Oui, ils doivent même avertir les gens, de leur dire écoutez ça là c'est haram, il ne faut pas regarder ça. Le mieux c'est de ne pas avoir de télévision chez eux, mais bon, qadarallah ma chafal. Les gens aujourd'hui, tu leur dis ça, ils comprennent pas pourquoi on va pas avoir une télévision. Ils comprennent pas. Mais celui qui comprend bien sa religion, il comprend bien l'islam, que tu lui dis c'est mieux que tu aies pas de télévision, il va comprendre tout de suite le bien qu'il y a là-dedans. Oui, non. Parce que la télé, combien de générations de musulmans et combien de siècles de musulmans ils ont vécu sans télévision, ils ont beaucoup plus profité de leur temps que nous. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est, hein, c'est pas la télévision, mais même des fois on dirait que c'est pire même que la télévision, les ordinateurs, avec l'internet. Et bientôt les téléphones, ça commence à être des prolongements de ça. Donc c'est pour dire, c'est tout ça, ça fait partie des distractions, tu vois. Allah musta'an. Nasallallahu al-afiyah. Après le cheikh, il dit, donc, si tu es en voyage, tu raccourcis. Ou bien par exemple, parfois tu vois que si tu prolonges trop, tu vas faire perdre aux gens quelque chose. Par exemple, on va dire que tu es en voyage, tu récites ta salat, on va dire que tu es en bus, hein, tu es en bus ou bien tu as un vol d'avion ou quelque chose, tu es pressé. Et là, tu fais la prière. Si la personne qui est devant toi, il va être imam, il va prolonger que tu vas manquer ton vol ou tu vas manquer ton avion ou tu vas manquer ton bus, là il faut que, hein, tenir compte de la situation, puis il faut raccourcir, hein. Des exemples comme ça, il y a plein d'autres cas là. C'est juste un exemple. Des fois par exemple t'es à l'école ou bien au travail, puis t'as une pause, puis le temps est court, t'as pas beaucoup de temps. Donc il faut tenir compte du temps pour puis prier pour que par la suite ça ne va pas te causer du tort. Donc il faut que l'imam tienne compte qu'il y a des gens dans différentes situations et donc tenir compte de ça. Après le cheikh, il dit donc c'est obligatoire à l'imam d'alléger la prière, hein, pour les gens qui prient derrière lui, pour pas que yani, les gens manquent yani, les choses qu'ils ont besoin d'aller faire. Et pour qu'ils puissent faire leurs travaux comme il faut. Après, il dit وَقَوْلُهُ فَقَدْ تَبَيَّنَا أَنَّ حَدِيثَ أَنَا اسْتَضَمَّ مَنَ مُخَالَفَةَ مَنْ خَفَّفَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ أي أن الذي يقصده أنس ما حصل من بعض الأمراء في عهد الصحابة أنهم خالفوا السنة إما لجهل منهم أو وهذا هو الغالب وإما لأمر آخر فكانوا يطيلون القيام ويقصرون الركوع والسجود وهذا خلاف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متعادلة كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وصلاة الليل وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود تخفيفا نسبيا لا يخل بالصلاة. Donc ça, c'est un point intéressant que le cheikh explique ici. Il l'a dit déjà, on l'a dit au dernier cours, mais il le répète encore. Il dit que c'est pour expliquer que celui qui... Parce qu'il y a des imams qui ont contredit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça que le cheikh, il dit que Anas, quand il a mentionné l'exemple de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle était légère en étant parfaite et complète en même temps, c'est pour dire que certains dirigeants de l'époque des Sahaba, ils ont contredit la Sunna, soit par ignorance, et ça c'est la majorité des cas, ou bien pour une autre raison. Et ils prolongeaient le qiyam, c'est-à-dire la position quand on est en récitation du Coran, on est debout à réciter le Coran dans la salat, on appelle ça al-qiyam. Ils le faisaient très long. Et le sujoud et le recours, il le faisait très court. Et ça, c'est contraire à la sunna. Il dit que la sunna, c'est quoi? C'est que ta salat doit être à peu près égale dans chaque mouvement, dans chaque position. Et que si tu fais le qiyam long, eh bien ton recours et ton sujoud devraient être longs aussi. Comme il le faisait dans, par exemple, la prière quand il y a une éclipse, hein, lunaire ou solaire, et bien il faisait la récitation très très longue et le recours très long et le sujoud très long. C'est comme ça. Donc si tu fais le qiyam long, tu devrais faire ton sujoud et ton rukou de la même longueur à peu près. Et si tu allèges ta prière, tu allèges la récitation, eh bien tu devrais alléger le rukou et alléger ton sujoud d'un allègement qui est relatif, sans que ça vienne causer du tort à ta prière ou rendre ta prière incomplète ou déficiente. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh il a expliqué ici. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la suite au prochain cours. Bismillah. Donc tous les cours depuis, ça fait quelques cours là qu'on parle de ce sujet et ça va continuer encore pour quelques cours à venir. La plupart des points que le cheikh il va mentionner, c'est des points qui ont rapport avec ce sujet. Mais il y a un lien avec le sujet de contredire les exemples des kuffars là-dedans. C'est que l'islam, elle nous appelle à être modérés et à être loin de l'extrémisme. Et c'est des exemples que cheikh Ibn Taymiyyah veut montrer pour montrer comment l'islam est une religion de modération et pas une religion d'extrémisme, et qu'on doit être différent des juifs et des chrétiens, justement qui, eux, dans leur adoration, dans leur croyance et dans leur pratique, sont toujours dans l'extrême. Hein? Et on a donné les exemples dans les cours précédents à propos des moines dans les monastères, comment ils font, et les exemples des juifs aussi, comment ils exagèrent dans l'adoration, et comment l'islam, contrairement à ces deux religions-là, est le juste milieu. Et qu'on ne doit pas être dans l'excès, dans l'exagération, et puis qu'on ne doit pas être dans le laxisme non plus. Donc ça c'est pour plusieurs cours à venir, on va parler de ce sujet. Puis par la suite on va mentionner d'autres choses. On va rentrer dans d'autres sujets reliés à ça. Mais je dirais qu'il reste encore à peu près peut-être... 5 ou 6 cours encore sur ce sujet-là, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.